Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 42. De la sédition. Nature de la sédition. Sa culpabilité. 1. La sédition est-elle un péché spécial? L'apôtre distingue la sédition des autres péchés. 2 Corinthiens 12, 20. La sédition est un péché spécial, qui a quelque chose de commun avec la guerre et avec la querelle, mais qui en diffère sur deux points. Ce qu'elle a de commun consiste en ce qu'elle implique, comme elle, une certaine contradiction. Le premier point où elle en diffère, c'est que la guerre et la querelle sont une lutte mutuelle en action, tandis qu'elle peut exister dans la préparation seule de la lutte. La sédition, dit la glose, est un tumulte qui dispose au combat. Le second point, c'est que la guerre se fait proprement contre les ennemis du dehors, pour ainsi dire, de peuple à peuple, que la querelle est le combat d'un homme contre un homme ou d'un petit nombre d'hommes contre un petit nombre, au lieu que la sédition se produit entre les parties divisées d'un même peuple. Et c'est pour cela qu'elle est un péché spécial, en tant qu'elle est opposée à un bien spécial, c'est-à-dire à l'unité et à la paix de la multitude. Note. Le schisme est opposé à l'unité spirituelle de la multitude, la sédition, à l'unité temporelle. Fin de la note. 2. La sédition est-elle toujours un péché mortel? L'apôtre met la sédition au nombre des péchés mortels. 2 Corinthiens 12, 20. Contraire, en effet, à l'unité d'un peuple, d'une cité ou d'un royaume, elle est nécessairement un péché grave. Un peuple, dit saint Augustin, n'est pas une association quelconque, mais une association fondée sur la sanction du droit et sur des intérêts communs. L'unité à laquelle la sédition est opposée est donc l'unité du droit et de l'intérêt public. Il en résulte que la sédition, opposée à la justice et au bien commun, est un péché mortel dans son genre, péché qui l'emporte en gravité sur la querelle, autant que le bien général l'emporte sur le bien particulier. Les chefs de la révolte pêchent très grièvement, et ceux qui les suivent pêchent aussi, puisqu'ils portent atteinte au bien général. Quant aux hommes qui défendent le bien public, on ne doit pas les appeler des séditieux. Note. Le trouble que l'on excite contre un gouvernement tyrannique, qui ne tend qu'au bien particulier de celui qui gouverne, n'a le caractère d'une sédition que dans le cas où le peuple, en provoquant ce trouble, donne occasion à des désordres si graves qu'il en a plus à souffrir que de l'empire du tyran. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.